Son rythme, ma vie, et pour tout ça, merci. Et pour tout ça, merci. Je veux pour vous, mes amis, que cette chanson soit jolie, comme un vent bien vieillé, qui surprendrait rafraîchir. À l'intérieur, ça se tend. Oh, là, il faut que tu t'imagines que quand ça fait, ça détend. C'est simple, mes amis, je vous aime, ça c'est dit. Pour ce que vous êtes, merci, et pour le reste aussi.